Le porte-parole de l'état-major général de l'armée populaire de Corée a lancé le 8 courant une déclaration du fait que les bellicistes américains dépourvus de la raison se livrent à la manie de guerre hystérique à la suite de l'adoption de la résolution de sanctions de l'ONU jamais vue contre notre République. Aux États-Unis, le président Trump lance ouvertement des propos grossiers tels que « livrer la guerre avec la Corée du Nord » au lieu de rester sans rien faire devant le développement du missile nucléaire de longue portée de la Corée du Nord en progression à une grande vitesse et faire la guerre dans la péninsule coréenne et y faire des milliers de morts, non pas dans le territoire américain. À l'ONU, l'ambassadeur américain Haley a déclaré devant le monde que les États-Unis ont la puissante force et qu'ils feront tous les choix militaires sans rien hésiter. L'assistant de la sécurité nationale à la Maison-Blanche, McMaster aussi, a affirmé que si la Corée du Nord détient les armes nucléaires capables de faire chanter les États-Unis, c'est insupportable du point de vue du président et que donc tous les choix militaires sont prévus, y compris la nouvelle guerre préventive visant à supprimer la capacité d'attaque nucléaire de la Corée du Nord. D'autre part, le secrétaire à la Défense Mattis, le président du Conseil des chefs d'état-major interarmées américains Danforth, le commandant de la guerre de commando des forces armées américaines Thomas, ainsi que d'autres fanats de guerre militaire du Pentagone, font bruit à qui mieux de la nécessité de l'opération d'élimination de la direction, des premières frappes contre la Corée du Nord, de l'opération secrète, de l'opération de perturbation interne et de l'opération spéciale. Simultanément, la 82e division de l'infanterie de l'air, unique division de parachutistes américaines, a entrepris les exercices de descente réelle et de manœuvres rapides de grande envergure en prévoyant l'expédition au front coréen, alors que la 25e division de l'infanterie légère et la 10e division alpine s'entraînent dans les montagnes pour s'habituer à la topographie de la péninsule coréenne. Les troupes spéciales chargées du terrorisme, comme Navy SEAL de sinistre réputation, sont expédiées en urgence en Corée du Sud, tandis que le plan est promis pour de bon pour disposer en Corée du Sud les biens stratégiques des UAS comme B-52, B-1B et B-2A et les escadrilles des avions de combat Stealth F-22. À la base de l'aviation Edwards à l'État de Californie, les escadrilles de bombardiers stratégiques B-52H ont commencé les exercices de largage de bombes chargées de traite pour la guerre psychologique codée PDU-5B en vue des préparatifs de l'opération secrète destinée à troubler l'intérieur de notre armée, alors que l'on projette de déplacer rapidement dans les eaux de la péninsule coréenne deux flottes de frappe de porte-avions à propulsion nucléaire, le sous-marin à propulsion nucléaire et un grand nombre de groupes de pirates. Toutes les manœuvres militaires sur la terre, dans la mer et l'espace aérien montrent que la campagne de guerre nucléaire des autorités américaines guidée par Trump contre notre pays atteigne l'étape d'action réelle irraisonnable et très aventureuse, au-delà de la limite dangereuse. Au moindre agissement provocateur des Américains visant l'opération d'élimination de la direction suprême de notre révolution, une opération de première représailles à notre manière seront entreprises pour exterminer tout de suite les commandos conspirateurs. Quoique les commandos soient bien entraînés et bien préparés, ils seront abattus complètement hors des lignes de blocus sur la mer, dans l'eau et dans l'air, et devant la ligne de démarcation militaire, avant qu'ils ne s'approchent près de la direction de notre révolution. Quant à la guerre préventive de nature provocatrice nouvellement conçue par les Américains, une guerre totale y sera opposée au nom de la justice pour faire disparaître une fois pour toutes tous les foyers ennemis, y compris le territoire américain. Il ne faut pas oublier qu'une fois captés les signes d'action de la guerre préventive, notre armée réduira sur le champ le territoire américain en champ de guerre nucléaire, avant le territoire sacré de notre République. Quant à la tentative de première frappe dont les bellicistes américains parlent à tout bout de champ, elle sera déjouée sans merci par une première frappe plus avancée qui, une fois dévoilée cette tentative, seront transformées en frappe totale pour mettre en feu toutes les cibles dans les régions des 1e et 3e troupes de campagne sud-coréennes, y compris Séoul, en même temps avec les frappes en profondeur de toute l'étendue de la Corée du Sud, et pour maîtriser les bases de sortie des UAS dans la zone d'opération du Pacifique. L'opération secrète des Américains visant le trouble interne et l'écroulement de notre régime sera neutralisée par la résistance de toute la population, y compris 3 millions de membres de l'Organisation des enfants et 5 millions des jeunes. Les Américains ne savent pas trop l'armée et le peuple coréen. plus leur tentative de guerre d'agression s'avère ouverte, plus l'intensité de riposte militaire de notre armée se renforce. Que les États-Unis ne l'oublient point. Si les États-Unis finissent par opter pour l'aventure militaire téméraire, sans égard aux avertissements sévères de nos forces armées, la fin tragique de l'Empire de l'Amérique sera anticipée à une plus grande vitesse.